Quand on est dans ton cul, on est toujours couvert. On aime plus que tout les adversaires ouverts. La chaleur humaine, les contacts physiques. On met le feu dans ton trou, c'est notre politique. Dans ton cul à toute heure, on sait que ça génère une vague de terreur chez les sexagénaires. On n'a pas vu de lumière, alors on est entré. Ton hospitalité n'est plus à démontrer. Dis que le crew dans ton cul n'est pas net. Quand tu nous vois par terre poser des savonnettes pour les désamorcer, incline-toi un peu plus. Le crew t'éclatera pas seulement les sinus. Oui, le crew dans ton cul a fait couler le sang, alors que bien au fond nous ne sommes pas méchants. Et si tu te dis que nous sommes allés trop loin, tu sentiras bientôt que c'était pour ton bien. Dans ton cul is a crew full of killers. We have been banned from your low server. We owned you with Digger as you were a sniper. Our skill is so high you think we are cheaters. Quand on est dans ton cul, on est toujours couvert. On aime plus que tout les adversaires ouverts. La chaleur humaine, les contacts physiques. On met le feu dans ton trou, c'est notre politique. Un bon conseil, surveille ta cicatrisation. Nos méthodes justifient toutes tes appréhensions. Car nous intervenons sans bruit ni sommation. Nous restons dans ton cul sans faire de concessions.